m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus. C'est comme ça. Un peu spéciale, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, Marc Lavoine sur RGM. Il est presque 8h37, on parle maintenant anniversaire. Ils sont nés un 6 août 1951. Naissance de Catherine Hicks, actrice américaine connue pour son rôle d'Annie Camden dans la série à succès 7 à la maison. 1956, naissance de Stephanie Kramer, actrice américaine connue pour son rôle du sergent Didi McCall dans la série Rick Hunter. 1960, naissance de Philippe Omnes, qui fut fleurettiste français, champion olympique du fleuret individuel en 1992 à Barcelone. Il est devenu par la suite directeur technique national auprès de la Fédération française d'escrime de 1996 à 2005. Et à noter qu'il est également champion du monde en 1990. 1961, naissance de Carl Zero, animateur télé français. 1962, naissance de Marc Lavoine, chanteur, acteur français, vu dans Le cœur des hommes 1, 2 et 3 dans le rôle d'Alex, si c'était lui. Les tribulations d'une caissière, la liste de mes envies dans le rôle de Jocelyn, sous les jupes des filles, Love Addict dans le rôle de Joe et dans la série télé Crossing Lines dans le rôle de Louis Daniel. C'est également l'année de naissance de Michelle Yeoh, actrice malaisienne qui fut James Bond Girl dans Demain ne meurt jamais, vue également dans Mémoire d'une geisha, Babylone AD ou encore La momie, la tombe de l'empereur dragon. 1965, naissance de Luc Alphand, ancien skieur français spécialiste de la vitesse, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 1997, restant à ce jour le dernier Français à avoir gagné le Gros Globe. Après sa retraite du ski fin 97, il a commencé une nouvelle carrière sportive comme pilote automobile, gagnant notamment le Rallye Dakar en 2006. En 2011, nouveau défi pour le sportif français. Il apprend la navigation et se lance dans la Transat Jacques Vabre. Il est également, à ses heures perdues, consultant sportif. C'est également l'année de naissance d'Olivier Mégaton, réalisateur français à qui l'on doit Le Transporteur 3, Columbiana ou encore Taken 2 et 3. 1970, naissance de Majonaid Shyamalan, réalisateur indien. Réalisateur et scénariste des films Sixième Sens et Le Village, réalisateur d'After Earth et scénariste de Stuart Little. 1972, naissance de Jerry Halliwell, chanteuse britannique qui fut membre des Spice Girls dans les années 90. Et on écoute tout de suite un extrait de leur titre. Titre Wannabe. Yo, tell me what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting. Give me Voilà pour l'extrait des Spice Girls. On continue les anniversaires. 1973, naissance de Stuart O'Grady, ancien cycliste australien, professionnel de 1995 à 2013, coureur sur piste et sur route. Sur piste, notamment champion du monde de poursuite par équipe en 93 et 95, champion olympique de l'américaine en 2004. Sur route, il a remporté notamment Paris-Roubaix en 2007, la HEW 6 Classique en 2004 et deux étapes du Tour de France. 1981, naissance de Lucie Descosses, ancienne judokate française qui a fait carrière de 2000 à 2013, qui aux Jeux Olympiques compte une médaille d'or et ainsi qu'une médaille d'argent au championnat du monde. 3 d'or, 1 d'argent et au championnat d'Europe, 4 d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. C'est également l'année de naissance de Trevi McCoy, chanteur, rappeur américain du groupe Gym Class Heroes. 1983, naissance de Robin Van Persie, footballeur néerlandais professionnel depuis 2001, qui a joué au club de Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe. Et depuis janvier 2018, il joue de nouveau pour le club de Feyenoord. 1984, naissance de Sofia Essaidi, chanteuse française. 1985, naissance de Michael Delage, cycliste sur route français, champion de France de poursuite par équipe en 2004 et 2006. C'est également l'année de naissance de Bafé Timbi Gomis, footballeur français professionnel depuis 2002, qui a joué à Saint-Etienne, Troyes, Lyon, Swansea City, Marseille et depuis 2017, il joue à Galatasaray. Et en 2009, décédé John Hughes, scénariste, producteur, réalisateur américain, scénariste de 16 bougies pour Sam, The Breakfast Club, La folle journée de Ferris Bueller, Maman j'ai raté l'avion, Beethoven, Maman j'ai encore raté l'avion, Miracle sur la 34e rue, Les 101 Dalmatiens, Maman je m'occupe des méchants, Coup de foudre à Manhattan, producteur de The Breakfast Club, La folle journée de Ferris Bueller, Maman j'ai raté l'avion, Maman j'ai encore raté l'avion, Miracle sur la 34e rue, Les 101 Dalmatiens, Maman je m'occupe des méchants, et réalisateur de 16 bougies pour Sam et The Breakfast Club. Allez, nouvelle pause musicale avec le groupe Gym Class Heroes, leur titre Stereo Hearts en featuring avec le groupe Maroon 5. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close, hear my thoughts in every note. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. And know my heart's a stereo, the only place for you. My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. So sing along to my stereo. Let's go. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hands. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you. So listen close, hear my thoughts in every note. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. Never leave me. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Stereo. Yeah. Gym Class Hero Stereo Arts, Adam Levine sur le 107 FM. Il est presque 8h46, on fait un point météo. La météo. Alors, comme je vous le disais en début d'émission, la canicule est toujours parmi nous et ce jusqu'à au moins demain. Mercredi, ça devrait diminuer un petit peu. Donc, on va passer à la journée sous le soleil, hein, le lundi au soleil. Des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin. Et ça va vite grimper, hein, jusqu'à 32, 34 degrés, peut-être même jusqu'à 36 degrés pour cet après-midi. Pour mardi, du soleil avec quelques petits nuages, des températures comprises entre 19 et 20 degrés le matin, entre 32 et 34 degrés l'après-midi. Et alors mercredi, les températures devraient diminuer parce qu'on devrait avoir des orages. Des températures qui devraient être comprises entre 20 et 21 degrés mercredi matin et entre 26 et 28 degrés pour mercredi après-midi. Allez, on fait maintenant un point sur toute l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et alors, en ce lundi matin, on est gâté. On a plein de choses à vous raconter, notamment avec du football en Ligue 2. La victoire de Metz, 5 buts à 1 face à Orléans. Défaite de Nancy au Paris FC, 2 buts à 0. Samedi avait lieu le trophée des champions qui opposait le PSG à Monaco. Victoire du Paris Saint-Germain, 4 buts à 0. Et on va parler de l'équipe de France féminine des U20 qui dispute depuis hier le Mondial. Et l'équipe de France s'est imposée dans son premier match 4 buts à 1 face au Ghana. On va parler du Blink Festival qui avait lieu en Norvège avec des belles performances de nos biathlètes français, notamment Emilien Claude qui a remporté la Mastart Junior. La Mastart féminine a vu la 5e place d'Anaïs Bescon, la 7e place de Justine Brezaz. Justine Brezaz qui a d'ailleurs remporté le sprint, et sur le sprint messieurs, la 3e place d'Antonin Guigona. Un mot de basket avec les championnats d'Europe des moins de 18 ans où la France termine avec la médaille de bronze. Un mot de football américain maintenant où l'équipe de France a été sacrée championne d'Europe pour la première fois de son histoire. Un mot de cyclisme avec la Classica San Sebastian qui a été remportée par Julien Alaphilippe qu'on n'arrête plus. Et là, on va ouvrir la grande page des championnats d'Europe puisqu'il y a de la gym, du cyclisme sur piste, de l'aviron et de la natation où nos Français se débrouillent pas mal, hein, notamment en natation, la médaille d'or sur le 400 mètres 4 nages pour Fantine Le Saffre, l'équipe de France féminine qui a remporté la médaille d'or sur le 4x100 mètres et sur le 100 mètres nage libre, Mehdi Metella a remporté la médaille de bronze. En gymnastique, médaille d'argent pour l'équipe de France féminine au concours général, la médaille de bronze en poutre pour Marine Boyer et médaille d'or au sol pour la toute jeune Mélanie De Jesus dos Santos. 13 ans qu'on n'avait pas remporté de médaille, et bien voilà, la toute jeune Mélanie a remporté la médaille d'or. En cyclisme sur piste, sprint individuel féminin, Mathilde Gros a remporté hier la médaille de bronze. En aviron, médaille d'or pour Hélène Lefebvre et Elodie Ravera Caramosino en 2-2 couple, médaille de bronze pour le 400 barreur, médaille d'argent pour les frères Onfroy, médaille d'argent pour Laura Tarantola et médaille d'or pour le 2-2 couple d'Andro Diaz et Boucheron. Voilà donc pour les championnats d'Europe et l'athlétisme qui va bientôt débuter. Hein. D'ailleurs, c'est demain le début de la compétition avec notamment Kevin Mayer. Un mot de tennis maintenant avec le tournoi